En attendant le départ sur le parvis de la gare, il a bu un café. Et on a entamé nos détours dans les rues d'à côté. Des oiseaux morts partout, par dizaines. Noirs, irisés, verts, par nuées. Toujours reconnus dans le ciel à 100 mètres de moi, et là, l'hécatombe à nos pieds, on ne savait pas. On a slalomé entre les cadavres. Et c'était l'heure. On s'est enlacés. C'était étrange. C'était chaud. C'était bon, mais étrange et étranger. Et puis j'ai endossé le sac lourd. Lourd. Je me suis engouffrée dans le tunnel. Sans oublier les oiseaux. J'ai pris le train.